je ne dois rien à personne, mais je ne méprise personne. Oui, c'est honnête et que personne à cette gastronisme cogne. Et je me fous de ce que l'on pense, mais pour tout dire, je m'en balance. Oui, j'ai mes joies et mes souffrances, chaque jour j'avance, j'avais resté sur la défense. Oui, chaque jour qui recommence, je m'engueule, avance, avance.